Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui le procès du viol. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Haute-Picon. Une nuit de l'été 1974, Anne Tongley et Araceli Castellano sont violées et torturées par trois hommes alors qu'elles font du camping sauvage dans la calanque de Morgiou, à Marseille. Affaire sensible à la fiction, intitulée aujourd'hui Le procès du viol, retrace le parcours de ces deux femmes brisées qui, pendant quatre ans, ont mené une lutte vitale aux côtés de Gisèle Halimi, leur avocate, pour que le viol soit reconnu comme un crime. Les avocates des victimes, Anne-Marie Criouine, Marie-Thérèse Cuvelier et Gisèle Halimi, ont obtenu le renvoi de l'affaire devant une cour d'assises, alors que jusque-là, les procès pour viol relevaient de la correctionnelle. Au terme de débats houleux, les deux jeunes femmes furent accusées d'avoir été consentantes par les trois hommes qui les avaient violées. Pour des journalistes présents lors du procès, le seuil de l'insupportable avait été franchi. C'est autour de cet événement, connu comme le procès d'Aix-en-Provence, que de nombreuses femmes osent enfin prendre la parole dans la rue, dans les journaux et à la télé pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. Ce procès marquera une étape dans la prise de conscience par la société de la gravité du viol. Et en 1980, il devient un crime puni de 15 ans de prison. Pour autant, à peine 10% des femmes violées osent porter plainte aujourd'hui en France. Le procès du viol met en lumière le courage de ces femmes, justement, dont les mots ont su leur sauver la vie. En seconde partie d'émission, pour revenir sur ce procès d'Aix et comprendre comment aujourd'hui cette violence perdure, car elle perdure, nous recevrons le docteur Muriel Salmona, psychiatre, président de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. J'étais le lièvre et eux les chasseurs. Dans la forêt profonde, ils chassaient, lâchaient les chiens en meute dès qu'ils me repéraient. Et puis ils couraient, et puis je tremblais. Et puis ils couraient, et puis je pleurais. Et puis ils riaient. Et les chiens galopaient dans la forêt profonde. Ils savaient très bien que je n'avais aucune chance. Qu'ils allaient m'attraper, me tirer comme un lapin, me dépecer. C'était une course folle. Une course où les chasseurs savaient très bien que leur proie n'avait aucune chance de leur échapper. J'ai trop entendu le bruit de la chair qui se déchire, le claquement de la peau qui rougit, le son lourd de mon corps qui tombe. J'ai trop senti l'odeur de ma propre sueur sous l'emprise de la peur, la moiteur de mon front, de mon dos, de mes cuisses serrées, que je refuserais maintenant d'ouvrir à jamais. J'étais devenu un animal craintif, sursautant à chaque bruissement de feuilles. J'avais perdu toute identité. Je n'étais qu'un gros tas de chair sans substance, prête à encaisser, prête à recevoir les coups. Je suis morte 10 fois, 20 fois, 100 fois. J'étais devenue une tombe sous le poids des va-et-vient incessants. J'avais appris à me durcir comme le roc, ne pas respirer, ne pas pleurer, sourire, oui, rire. Faire semblant de jouir, puisque j'étais sa femme, je lui devais bien ça. Me soumettre au cou, m'allonger sous ses râles, lui vendre mon âme. Mon cri, un chant. Ses coups, des caresses. Mon refus, un caprice. Mes bleus, des tatouages. Mes larmes, de joie. Sa violence, de l'enthousiasme. Ses insultes, des mots d'amour. Il m'appelait son petit animal craintif. Sa chose. Non, voulait toujours dire oui. Mais le viol restera toujours un crime impuni. Si j'étais garçon, au lieu d'être fille, je pourrais danser et puis rentrer tard à la maison. Le procès du viol de Leslie Menahem. D'où viens-tu, ma fille? Et avec qui? Et patati, si j'étais garçon. Araceli! Araceli! Qu'est-ce qu'il y a? Reviens! Ne t'éloigne pas trop! Je suis à 2 mètres du bord! Tu sais bien que je n'aime pas quand tu t'éloignes trop! T'es bête! Viens donc bronzer avec moi! J'ai tout le temps de venir bronzer avec toi, ma belle! Pour l'instant, j'ai trop chaud! L'eau est si bonne! Allez, Anne, viens me baigner! Tout à l'heure, Araceli! Je prends le soleil! Allez, viens! Tout à l'heure, je te dis! Maintenant! Puisque tu insistes, tu vas le regretter! Je vais te couler! Au secours! Au secours! Calme-la, elle est folle. C'est une furie. Qu'est-ce que t'es jolie avec les cheveux mouillés. C'est toi qui es belle. Une muse. La Vénus de Milo. Tu es ma Vénus. Arrête. Je peux vous aider? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? J'habite derrière la calanque, à moins d'un kilomètre d'ici. J'ai entendu crier au secours, alors voilà. J'ai accouru. Je plaisantais, j'appelais pas vraiment au secours. C'était juste pour rire, on se chamaillait. Pourtant, vos cris m'ont alarmé. Non, je vous assure, Araceli plaisantait. Tout va bien, monsieur, merci. Oh, mais je serais toujours ravi de porter secours à une jolie jeune femme. Araceli, c'est ça? Quel joli prénom. Vous êtes vraiment charmante, mademoiselle. Je veux pas faire de jalouse, mesdemoiselles. Vous êtes toutes les deux charmantes. Je pensais que nous étions seules ici. Je ne vous ai vraiment pas vu arriver. Eh ben, vous voyez, j'étais pas loin. Moi qui pensais qu'il n'y avait vraiment personne. Mais cette calanque est publique, si je ne m'abuse. Oui, oui, bien sûr. Je vous conseille de faire attention. Deux jolies jeunes femmes comme vous, seules dans une calanque, ça pourrait être dangereux. Dangereux? Deux demoiselles qui se baignent à moitié nues, ça risquerait de se savoir. Vous passez pas inaperçu. Et comment voulez-vous qu'on se baigne? En pull au vert? Écoutez, on pensait vraiment que personne nous verrait. Si cela ne vous gêne pas de nous laisser, nous allons sortir de l'eau et nous rhabiller. Oh, mais vous pouvez vous rhabiller devant moi, je dirais rien. Ne soyez pas désobligeants. Oula, du calme. Eh, du calme, je plaisantais. Laissez-nous, s'il vous plaît. Deux femmes en vacances, ça a besoin d'hommes. Si vous voulez, j'ai des copains. On pourrait vous tenir compagnie. Nous sommes très bien toutes les deux, merci. Et nous n'aimons pas particulièrement les hommes. Vous n'aimez pas particulièrement les hommes? Ah, parce qu'en plus, vous êtes de ce bord-là. Ah, vous avez peur de rien? Allez-vous-en. Oh, bien sûr, mesdemoiselles, je vous laisse. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler en cas de problème, je serai pas loin. Et je me ferai un plaisir de vous protéger contre les chasseurs des environs. Les chasseurs? Ouais, il y a pas mal de lièvres par ici. Les chasseurs savent que c'est un bon coin. Allez, salut les filles. À bientôt. Et bonnes vacances. Qu'est-ce qu'il raconte? Des chasseurs? Anne. Qu'est-ce qu'il y a? Anne, j'ai entendu du bruit. Quel bruit? Araceli, laisse-moi dormir. J'entendais pas qu'il se rapproche. Il y a des animaux dans le coin. C'est la nature. Chut. Écoute. J'entends rien. Si. Écoute. Merde. T'as raison. C'est peut-être un garde-côte. J'ai peur. T'inquiète pas. On va leur expliquer. J'ai un mauvais pressentiment. Arrête. Ils sont plusieurs. Je le sens. Je les sens tous. Arrête. Panique pas. On va leur dire qu'on s'en va. C'est rien. Bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nous les lièvres. Quoi? C'est nous les lièvres. Et eux les chasseurs. Je sens déjà l'acier du fusil sur mes tempes. Tais-toi. Mesdames, qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci? Monsieur, je vous en prie, vous devez nous aider. Gardez votre calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été victimes. On a failli nous tuer. Expliquez-vous. On était dans la calanque de Morgiou, pas loin d'ici. Et on faisait du camping. On dormait toutes les deux dans une tente. Quand tout à coup, la nuit, je sais pas, vers 1h du matin, des hommes sont... Oui, trois hommes. Trois hommes sont rentrés dans notre tente. Et il y en avait un qu'on connaissait, enfin, qu'on avait vu l'après-midi, qui... Donc vous connaissiez cet homme? Non. On ne le connaissait pas. Il nous a abordés dans l'après-midi, puis il est revenu avec des complices. Ils nous ont... Mesdames, je crois que vous n'êtes pas en état de formuler des propos cohérents. Je vais faire appeler une ambulance. Vous êtes blessé et en état de choc. Je vous propose d'abord de vous faire soigner, puis vous reviendrez faire une déposition. Nous procéderons ensuite à une enquête de moralité avant que vous soyez examiné par un médecin. Mais... je vous assure que c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Mesdemoiselles Anne Tonglet et Araceli Castellano, je vous présente à mes étudiants en médecine qui vont assister pour la première fois à l'examen qui correspond à une suite logique de l'enquête de moralité effectuée par les gendarmes. Dites-leur bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Chers étudiants, ces deux jeunes femmes reprochent donc à trois hommes de les avoir violées alors qu'elles n'étaient pas consentantes. C'est bien cela ? Oui. Oui. Les gendarmes les ont accompagnées ici afin que je puisse procéder à un examen médical et moral, puis il y aura confrontation avec les trois hommes. C'est exact, mesdemoiselles ? Oui. Bien. Je vais donc demander à chacune de se déshabiller, de s'asseoir sur cette table et d'écarter les jambes. Puis j'introduirai mon doigt dans votre vagin. Là, deux possibilités. Si l'hymen accepte le doigt facilement, cela signifiera que vous avez l'habitude d'avoir des relations sexuelles régulières avec des hommes. Si le doigt n'est pas accepté, eh bien, dans ce cas, tout ira bien, mesdemoiselles. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Parfait. Mesdames, déshabillez-vous, je vous en prie. Mesdames, je suis votre juge d'instruction, mademoiselle Di Marino. Enchantée. Oh, madame, je suis tellement heureuse que notre juge d'instruction soit une femme. Mon sexe n'a rien à voir avec la justice. Je vous prie de garder vos distances. Excusez-moi. Mon rôle est de réunir les pièces du dossier, ainsi que les éléments d'information favorables ou non au suspect, et d'interroger les témoins. Entendu. La police ainsi que le médecin m'ont transmis plusieurs éléments. Je vais donc vous demander de me fournir un maximum d'informations afin de compléter l'enquête. Première chose, je voudrais connaître les raisons qui vous poussent à poursuivre ces hommes. Mais vous le savez, madame, c'est parce que nous avons subi un viol. En effet, je vois que c'est ce que vous avez signalé au commissariat le 22 août à 5h45 du matin. Et que c'est un crime ? Crime ou simple délit, c'est ce que nous allons voir ensemble. Madame, ces hommes nous ont violés et battus pendant plusieurs heures. Ce qui nous est arrivé est injuste et nous pensons qu'ils doivent être punis devant la justice. Vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous ne pensez pas ce que vous dites ? Je me fie aux faits, c'est tout. Selon le rapport que j'ai ici, vous dites que les hommes sont entrés dans la tente, que vous vous êtes battu quelque peu, puis que vous avez cessé de résister. C'est bien cela ? C'est bien cela. Et pourquoi avez-vous cessé de vous débattre ? Parce que nous ne pouvions plus faire autrement. Et vous pensez qu'ils auraient pu croire que vous étiez consentante ? Absolument pas. Vous devez répondre par oui ou par non ? Non ! Mais si vous ne vous débattiez plus, c'est ce qu'ils auraient pu croire. On ne se débattait plus parce qu'ils menaçaient de nous tuer ? De nous couper en morceaux et de nous jeter à la mer ? Nous n'avions pas le choix. Je lis également sur l'enquête de moralité que vous avez des relations, toutes les deux. Enfin, que vous êtes homosexuelles. Quel est le rapport ? Cela m'informe simplement sur vos mœurs. Le fait que nous soyons homosexuels n'a rien à voir avec ce qui nous est arrivé. Mesdemoiselles, je ne voudrais pas vous alarmer, mais au vu des premiers éléments rassemblés, vous ne devez pas espérer que l'affaire passe en cour d'assises. Elle sera jugée en correctionnelle. Nous aurons l'occasion de nous reparler dans l'après-midi. Maintenant, si vous ne m'en voulez pas, je dois aller m'entretenir avec les trois accusés qui m'attendent. Monsieur Petrilli, je vous écoute. Au fond d'elle, elle le voulait. Une femme, elle aime les hommes, par définition. La nature est faite comme ça. Sinon, Dieu, il aurait fait que des hommes, ou que des femmes. Pas vrai ? Elles disent non quand elles pensent oui. Les femmes, il faut savoir les décoder. Et puis après, elles crient « de plaisir, quoi ». C'est comme un jeu. Elles aiment minauder. Je connais, vous savez, des femmes, j'en ai eu plusieurs. Alors je sais comment ça fonctionne. Nous, les hommes, on a des besoins. C'est la nature. Celles-là, les deux minettes, j'ai tout de suite vu qu'elles en pinçaient pour moi. Alors moi, je leur ai donné ce qu'elles voulaient. Et puis le reste de l'histoire, vous le connaissez. Vous n'avez qu'à regarder leur sourire aguicheur, vous comprendrez. C'est pas pour quelques bousculades qu'il faut s'alarmer. Ça fait partie de la cabriole. Les femmes aiment bien les fessées. Femme bonnie, femme potiche, femme affiche, on en a plein les miches ! Anne et Araceli attendent 3 ans et 9 mois pour que justice soit faite. À la suite de l'instruction suspicieuse et partiale de la juge, l'affaire sera d'abord renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la qualification de simples coups et blessures n'ayant pas entraîné un arrêt de travail de plus de 8 jours. Anne et Araceli refusent. Il y a eu viol, donc crime. Elles contactent alors Gisèle Halimi, avocate et féministe reconnue pour avoir défendu la cause de l'avortement au procès de Bobigny en 1972. Elle viendra accompagner d'Agnès Fichaud afin de prendre la défense des deux jeunes femmes. Les avocates médiatisent l'affaire. Anne et Araceli en souffrent, même si elles savent qu'il faut passer par là. Araceli, enceinte d'un des violeurs, a été poursuivie pour avoir avorté. Anne a failli perdre son emploi. Gisèle Halimi et Agnès Fichaud se déplacent à Marseille et font appel. Le viol ne peut plus être considéré comme un simple délit. Le tribunal correctionnel sera alors déclaré incompétent. La cour d'appel d'Aix, saisie par les accusés, confirmera que les faits doivent recevoir une qualification criminelle et être jugés à la cour d'assises. Le viol est enfin reconnu comme un crime. Encouragées par cette première victoire, les femmes commencent à prendre la parole dans les journaux, à la télévision, dans la rue. À la cour d'Aix-en-Provence, Maître Halimi assure la défense des plaignantes. Maître Collard, lui, celle des accusés, qui affirme que les deux plaignantes étaient consentantes. Halimi, salope ! Oh, Collard ! Oh, mais ça va pas, non ? Traînez ! C'est tout ce qu'elle mérite ! Salope ! Putain ! L'audience est ouverte. Monsieur Borès. Oui. Vous êtes gendarme à Mazargues. C'est vous qui avez débuté cette enquête. Oui, c'est exact. Le 22 août au matin, j'ai été réveillé par 2 jeunes filles qui sont arrivées à la brigade en disant qu'elles avaient subi des sévices de la part de 3 jeunes gens de 1h à 5h du matin. Elles étaient en état de choc. Je les ai donc tout de suite envoyées à l'hôpital. Était-ce un état de fatigue ? Le procès-verbal de synthèse dit état de choc. Maître Halimi, j'essaie de voir ce que c'était que cet état de choc. Paraissait-elle émue ? Ah oui, c'est certain, oui. Vous souvenez-vous de la déclaration exacte de ces jeunes filles ? Oui, monsieur le Président. Les 2 jeunes femmes dormaient toutes les 2 sous une tente. Elles auraient été réveillées par 3 individus. Il y en a une qui avait un marteau et qui a frappé sur la tête du plus grand pour se défendre. Ensuite, ils ont essayé d'abuser d'elle et ils se relayaient. Merci. Nous allons entendre le docteur Vuillet. Docteur, vous avez examiné les 2 victimes. Quand avez-vous pratiqué cet examen ? Cet examen date du 26 août, 4 jours après les faits. Donc les lésions étaient encore relativement récentes. Poursuivez. Les 2 filles étaient déprimées. Elles présentaient également des troubles du sommeil. Elles consommaient beaucoup de tranquillisants et de somnifères afin d'échapper aux cauchemars se rapportant aux faits. Silence. Et physiquement ? Anne Tonglet nous a dit qu'elle n'entendait plus d'une oreille, qu'elle avait reçu 2 coups et qu'elle avait des douleurs au niveau de la tempe gauche et des traces ecchymotiques au niveau de la joue et de la bouche. Quant à Araceli Castellano, elle a reçu un coup de poing modéré, avec des scarifications sur la face postérieure de l'avant-bras et de la jambe droite, au sujet desquelles je ne peux rien dire. Elle a signalé qu'elle avait été légèrement mordue au sein droit. Oui, c'est possible. Mais il n'y avait aucune trace résiduelle. Elle nous a parlé d'une tentative de sodomisation. Nous appelons cela un forçage anal, qui, là non plus, n'a laissé aucune trace. Docteur Vuillet, à votre avis, est-ce que 2 jeunes filles viendraient vous voir en état de choc si elles avaient été consentantes et qu'elles avaient passé une belle nuit d'amour, comme le prétendent les accusés ? Non, je ne pense pas. Monsieur le Président, puis-je intervenir ? Allez-y, maître Collard. L'expression « état de choc » est très subjective. Comme toujours en psychiatrie. Je voudrais maintenant interroger les plaignantes. Anne Tonglet et Araceli Castellano, veuillez venir à la barre. Anne Tonglet, j'observe des variantes entre vos diverses déclarations. Je ne peux pas vous raconter les choses chronologiquement. J'étais hors du temps, j'étais comme morte. Et dans l'une de vos déclarations, vous dites par exemple que l'un des hommes a tenté de vous sodomiser. Dans une autre déclaration, il ne s'agit pas du même homme. Tout est très confus dans mes souvenirs. Vous dites que ça a duré jusqu'à 5 heures du matin. En fait, pas tout à fait, puisque deux hommes sont partis plus tôt. Oui. Que s'est-il passé au moment où les deux autres sont partis? Pardon? À la suite des coups, Anne a une hypoacousie, elle n'entend pas très bien. Pouvez-vous parler plus fort, monsieur le Président? Comment ça s'est passé, ce départ? Ils nous ont dit, on s'embrasse, on se fait la bise. Cette bise aurait pu montrer un certain consentement. Jamais. Nous étions tellement soulagés qu'ils aient l'air de partir que nous leur avons fait la bise, oui. Ah. Araceli leur aurait même dit, en Belgique, on fait trois bises. J'étais certaine qu'ils n'allaient pas nous laisser vivantes. Alors c'est vrai qu'au moment où ils ont dit qu'ils partaient, j'ai éprouvé un grand soulagement. J'ai dit ça pour les calmer, pour qu'ils aient l'impression que nous n'allions pas porter plainte. Et après, que s'est-il passé avec le dernier homme? Il m'a dit qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas joui. Alors il m'a obligée à le masturber. Il me tenait par la nuque, plaqué contre le sol et m'obligeait à lui dire que je l'aimais, alors que je pleurais de désespoir et de douleur. Et vous dites avoir crié au secours pendant la nuit. Comment expliquez-vous que personne ne soit intervenu? Nous avons crié au secours, ça j'en suis sûre. Si vous saviez ce qu'on nous a dit, si vous aviez crié au feu, tout le monde serait venu parce que dans les calanques, on a peur du feu. On nous a dit ça, qu'on aurait dû crier au feu. Monsieur le Président, si je peux me permettre, il y a effectivement des contradictions entre les différents procès-verbaux. Je prends un exemple. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle dit maintenant. Mademoiselle Castellano affirme « Le grand a essayé de toucher Anne avec vigueur qui, pour se défendre, lui a donné un coup de marteau sur la tête. » Tandis que Mademoiselle Tonglet dira « Le même individu a essayé de toucher ma camarade au visage et c'est pour cela que j'ai pris le marteau. » Comment cette contradiction peut-elle être résolue? Pouvez-vous répondre? Tout ce que je voyais, c'est qu'il voulait rentrer dans la tente. Notons cette contradiction. Objection! Objection refusée. Oh. Par ailleurs, vous indiquez que vous vous êtes retrouvés à 5 dans la tente. Comment est-ce possible sous une petite tente de camping? Ils étaient 2 sur l'une et 1 sur l'autre. Cette tente n'a pas cédé, même pas un piton n'a cédé. Si, il y en a un qui a cédé. Non, non, ça ne figure pas dans le rapport d'instruction. Je ne vois pas comment 5 personnes qui se débattent peuvent tenir à 5 sous une tente pour 2 personnes. Nous sommes en train d'accuser 3 innocents, monsieur le Président. Mademoiselle, était-ce normal à ce moment-là que, craignant d'être tuée, vous acceptiez passivement? Non, pas accepter. Nous avons subi. C'est différent. C'est important, ce terme-là. Monsieur le Président, si elles se battent comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne peuvent pas admettre que le mot « subi », le mot « céder », quand on est anéanti, soit traduit, comme le disent les accusés, par le mot « consentement ». Tout à fait. Merci, mademoiselle. Monsieur Petrilli. Quelle est votre version des faits? Moi, j'ai toujours dit la même chose. J'étais avec mes deux amis, le soir, et je leur ai proposé d'aller draguer les filles, qui m'avaient fait comprendre qu'elles cherchaient des hommes pendant l'après-midi. Si on est resté la nuit, c'est parce qu'elles faisaient bien l'amour. Et ça, elles l'ont reconnu. Et la blonde, en 2 heures de temps, elle n'a pas appelé au secours. Monsieur le Président, j'ai la certitude que les accusés sont coupables. Et je ne serais pas à cette barre si je n'en étais pas intimement convaincue. Suite aux différentes versions de ces hommes et à leur mauvaise foi, suite aux différents témoignages et aux analyses médicales, il est incontestable qu'Anne et Araceli ont été violées. Aujourd'hui, les accusés leur font subir un viol supplémentaire par leur attitude, par leur dénégation cynique. Monsieur le Président, si vous admettiez un consentement aujourd'hui, à l'avenir, vous condamneriez les femmes violées soit à mourir pour vous apporter la preuve définitive qu'elles ont résisté jusqu'au bout, soit à retourner au silence, à la honte, à la clandestinité, à la culpabilisation, à une mort intérieure. Je ne dis pas qu'une condamnation va refaire des femmes violées des femmes neuves, jamais, mais je dis qu'au moins elles n'auront pas eu le sentiment d'avoir une identité gommée, une existence effacée, d'avoir été niées dans ce qui est le plus important pour une femme, pour un être humain, son intégrité physique et morale, son affectivité et sa sexualité. De nombreux médias couvrent l'événement, reportant de violentes images de manifestants et manifestantes qui s'affrontent devant le palais d'Aix-en-Provence. Gisèle Halimi porte plainte contre un des amis des accusés qui lui a donné un coup de poing en pleine figure. La cour condamne Serge Petrilli à 6 ans de réclusion criminelle et ses deux complices à 4 années d'emprisonnement. 2 ans après le procès d'Aix-en-Provence, une nouvelle loi est votée, condamnant le viol à 15 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui encore, Anne Tonglet réclame la suppression de la notion de consentement dans le code pénal, car il incombe toujours aux victimes de prouver leur non-consentement, comme si céder au coup et à la pression sans mourir signifiait consentir. Je serai la chasseuse. Eux seront les lièvres. Dans la forêt profonde, je chasserai. Avec ma meute de chiennes, je les repérerai. Et ils courront. Ils trembleront. Et nous courrons. Et nous ne pleurerons pas. Non, nous rirons. Et un jour, nous galoperons ensemble. Oui, nous ne jouerons plus à nous faire peur. Nous, les femmes, les hommes et les chiens. Dans la forêt profonde, nous courrons ensemble. Oui, je l'espère, nous nous aimerons. C'était le procès du viol de Leslie Menahem, avec Joséphine Serre, Anne Stephens, Florent Houlier, Solal Bouloutnine, Stépho Linard, Elsa Tauvron, François Tavares, Aurélien Ozinski, Anne Caillère. Et les voix de Cécile Arnaud, Élise Aubé, Célia Grincourt, Yoli Fuller, Titouan Gauthier, et Cédric Maruani. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Diana Alcide et Éric Boisset. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Quand c'est non, mon vieux, range ton bâton. Quand une femme dit non, il faut désormais que l'on comprenne que c'est non et que ce n'est pas oui. Mais le vrai combat des femmes doit se poursuivre, Gisèle Halimi l'a dit à notre envoyé spécial, Hugues Girard. Le vrai combat des femmes, il ne peut pas être ponctuel. Ça ne peut pas être sur un point les faire condamner. C'est la recherche, c'est la compréhension. Le combat des femmes, c'est changer la société, changer les mentalités, changer les rapports. Et c'est les raisons pour lesquelles j'avais cité ces témoins qui n'ont pas été admis. C'est aussi, il y avait aussi un autre point que je voulais établir, c'est qu'il y avait quand même une chose très spécifique dans les luttes des femmes. C'est la manière dont tous les partis politiques, qu'ils soient gauchistes, qu'ils soient conservateurs, ressentent justement le viol comme un crime contre lequel il faut lutter. Nous, peut-être, et c'est notre honneur, nous voulons chercher à l'expliquer et à apporter des remèdes. À ce niveau-là, je dois le dire, je le regrette beaucoup, nous n'avons pas pu élever le débat. Peut-être avons-nous eu tort, nous les féministes, de surestimer l'appareil judiciaire. France Inter, affaire sensible. Fabrice Drouet. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui le procès du viol. Notre invité, le docteur Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue. Bonjour Muriel Salmona. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychotraumatologue, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et en victimologie, présidente et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie et créatrice du site Mémoire Traumatique, mémoiretraumatique.org, site d'information, de formation, de ressources et de lutte contre toutes les violences. Alors vous êtes par ailleurs, et est-ce qualité, responsable d'une enquête nationale intitulée « Impact de la violence sexuelle de l'enfance à l'âge adulte » soutenue par l'UNICEF, diffusée le 1er mars 2015 dans le cadre de la campagne « Stop au déni 2015 ». Et enfin, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont ces deux livres « Violence sexuelle, les 40 questions-réponses incontournables » en 2015 et « Le livre noir de violence sexuelle » paru 2 ans plus tôt, et tous deux édités chez Duno. Voilà. Alors, tout d'abord, après la fiction et le procès d'Aix-en-Provence en 1978, est-ce qu'on peut dire, comme on l'a dit dans la fiction, en tout cas dans la présentation de cette fiction, que ce procès a vraiment été le début d'une reconnaissance, celle de crime de viol, qui passe donc aux assises et plus en correctionnel? Oui, c'est vrai que là, il y a eu un progrès énorme au niveau de la loi, avec une définition qui est vraiment une avancée majeure, et la France s'est même retrouvée vraiment très en avance par rapport à la définition, une définition assez élargie du viol, comme tout acte de pénétration sexuel de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui. Donc c'était aussi considéré comme viol, les pénétrations orales, les pénétrations anales, par un sexe ou par un objet ou par des doigts. Donc ça, c'était vraiment une très grande avancée. Et c'était aussi la possibilité, enfin, que les femmes puissent en parler, et une prise de conscience, vraiment de grandes avancées aussi en termes de médiatisation, en fait, de ces affaires-là. Mais tout ça, c'est une réalité, mais malheureusement, beaucoup d'années après, là en 2017, on a encore énormément de progrès à faire, ce qu'on ne pensait pas du tout, en être encore là en 2017. Gisèle Halimi a écrit un livre très fort sur le procès d'Aix. Rappelons qu'elle était l'une des avocates des deux jeunes femmes violées, qu'elle a consacré sa vie à la défense de la condition féminine. En mai 1978, elle disait, alors, pendant le procès, nous voulons un procès explication, pas un procès expiation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Et on est encore dans ces situations-là. Là, moi, j'interviens souvent dans les cours d'assises pour donner des explications, pour expliquer le comportement des victimes, pourquoi elles ont pas pu se défendre, par exemple, pourquoi elles sont restées en contact avec l'agresseur. Enfin, des questions qui leur sont posées continuellement et qui participent à ce qu'on appelle la culture du viol. C'est-à-dire que c'est toujours toujours la victime qui est mise en cause, c'est elle à qui on demande des comptes ouais. sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi. Et on essaye de donner beaucoup d'informations sur l'impact psychotraumatique de ces violences, qui est vraiment majeur, très important, et qui peut du coup changer un peu la donne sur le regard qu'on pose encore actuellement sur les victimes de viol, et qui explique aussi pourquoi elles ont encore ce sentiment de honte et de culpabilité qui les empêche de parler. Et c'est seulement 10% des victimes qui arrivent à porter plainte. Parce que, effectivement, on s'est aperçu dans pas mal de procès que les violeurs devenaient accusateurs. D'ailleurs, dans votre livre, 40 questions-réponses incontournables, les mots sur les femmes violées sont toujours très durs. Alors, leurs agresseurs disent elles étaient consentantes, elles la cherchaient, elle était habillée trop sexy, elle était seule dans la nuit. Si on résume ces phrases prises sur le vif, ça signifie qu'une femme ne peut pas s'habiller comme elle veut, ni se promener où elle veut, alors qu'elle veut. Ça paraît pensable aujourd'hui, et que ça perdure, ça. Oui, malheureusement, c'est encore très présent et c'est la base encore de ce qui est renvoyé aux victimes. Ça fait partie donc de cette fameuse culture du viol. Il y a trois éléments dans la culture du viol. Ce qu'on appelle la culture du viol, c'est qui font partie de la mise en cause de la victime. C'est en fait, elle ment. C'est pas vrai. Ouais. Ça veut dire. La deuxième chose, c'est. Elle ment, ça veut dire elle était consentante. Souvent, c'est ça que ça traduit. Alors. Enfin, que ça sous-entend. C'est le troisième item. Elle ment, c'est vraiment, elle a complètement inventé. C'est pour D'accord. se venger, c'est pour se rendre intéressante. Ça n'a pas existé, en fait. Le deuxième item, c'est elle l'a bien cherché. Elle a été provocante. Elle s'est pas défendue comme il aurait fallu. Elle a pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Et puis le troisième, c'est finalement, elle était consentante, mais elle l'assume pas en quelque sorte. Et les femmes, ça aime être forcées. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont encore très présents. Et nous, on a fait une enquête Ipsos en 2016, qui a montré à quel point les Français restaient encore restaient vraiment dans ces stéréotypes et ces idées fausses, avec 40% quand même des personnes qui continuent à penser que une attitude provocante pourrait expliquer un viol. Que finalement, si une victime se défend vraiment, elle fait fuir le violeur. Donc, si ça veut dire qu'elle n'a pas fait vraiment ce qu'il fallait pour se défendre. Que 20% qu'une femme, elle aime être forcée, en fait. Enfin, on reste encore... Ouais, c'est énorme. Ça, ouais. Ouais, c'est énorme. Bon, cela dit, il y a quand même des contrôles physiques sur les femmes violées ou violentes. Il y a des et qui peuvent apporter des preuves. Non ? Alors, dans les 78 heures. Ah oui. Voilà. Donc, il faut encore avoir la force, la possibilité d'aller porter plainte, ce qui, dans la majorité des cas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Surtout que la plupart des viols sont commis par des personnes connues, des victimes, avec du coup une forte emprise, des menaces, et que souvent les personnes victimes de viols mettent beaucoup de temps avant de porter plainte. Donc, et puis, même s'il y a des contrôles, même s'il y a de l'ADN, ça veut pas du tout. On peut quand même mettre en cause le fait que la femme a été consentante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des traces que il n'y a pas eu consentement à ce moment-là. Donc en fait, c'est vrai que on continue à présenter les choses comme c'est parole contre parole. Et souvent, la majorité des plaintes, en plus, il y a que 10% de plaintes, mais il y a seulement entre 1 à 1,5% de condamnation, parce que l'immense majorité sont classées immédiatement, sans suite, faute de preuves, mais faute aussi essentiellement d'enquête. Et puis, il y a beaucoup aussi d'affaires qui sont déqualifiées, c'est-à-dire qui passent en correctionnel au lieu de passer en assise. C'est-à-dire que ça passe de viol à quoi ? À agression ? À agression sexuelle. Donc, ça, nous, on monte au créneau là-dessus, parce que c'est 40 à 50% des viols. Oui. Qui sont en fait déqualifiés. Avec effectivement, c'est plus du tout la même chose, c'est plus le même procès, c'est plus les mêmes peines. Et puis c'est renvoyé à la victime que ce qu'elle a vécu, bah en fait c'est pas un viol, c'est voilà. Et ça, c'est encore très très très important. Muriel Salona, on va se retrouver dans 3 minutes et continuer à parler de ce problème grave à travers quelques questions qui font partie des 40 questions-réponses incontournables autour des violences sexuelles et du viol. C'est le titre de l'un de vos livres. À tout de suite. Salmonard, on continue de parler du viol. J'ai retenu cette question parmi les 40 que vous écrivez en tête de chapitre. Si c'était vraiment un viol, pourquoi est-elle restée en relation avec lui? Pourquoi est-elle revenue? Pourquoi n'a-t-elle pas parlé ni porté plainte plus tôt? N'est-ce pas la preuve qu'elle ment? Est-ce que ça, c'est plus du ressort du réflexe que de la réflexion? Alors oui, c'est un peu... Alors déjà, il y a ce réflexe, vraiment, où tout le monde a tendance à penser qu'il y a beaucoup de fausses allégations de viol, alors que c'est très rare, hein, et que l'immense majorité des victimes même ne parlent pas. Donc ça, c'est effectivement, il y a ce réflexe-là, et puis il y a une totale méconnaissance de la réalité de ces violences-là, de la gravité de l'impact traumatique, du fait que les victimes sont sidérées par la violence des agresseurs, et que lors d'un attentat, personne ne peut bouger, se réagir du fait même de la violence. Il y a cette sidération psychologique qui est même visible sur des IRM. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dissociation, qui est un mécanisme de survie tellement l'impact est grave, qui font que les victimes sont totalement déconnectées de leurs émotions et un peu automatisées. Et c'est ça qui aussi génère un phénomène d'emprise qui permet aux agresseurs de maintenir la victime dans une forme de soumission. Et du coup, les victimes ont souvent besoin d'énormément de temps pour pouvoir sortir de cet état de dissociation. Et ça, c'est trop méconnu, alors que ça fait 20 ans qu'on connaît très très bien toutes ces conséquences psychotraumatiques, qu'on a des IRM, on a des images du cerveau qui démontrent ça. Et malheureusement, ces informations-là ne passent pas. Enfin, même si ça bouge, parce que maintenant je forme les magistrats à ces réalités des troubles psychotraumatiques, la Convention d'Istanbul recommande que ce soit pris en compte et que soit prise en compte aussi la gravité de l'impact psychotraumatique avec une mémoire traumatique qui va faire que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, si les personnes ne sont pas prises en charge, elles vont continuer à souffrir de ces violences-là. Parce que souvent on leur dit aussi, mais il faut tourner la page, il faut passer à autre chose, et puis pourquoi, voilà, mais tout ça, ça s'explique en fait. Toutes ces questions qui sont posées à des victimes de viol, ça s'explique. Et on est vraiment dans une situation où on va leur demander de s'expliquer sur des impacts qui sont des impacts vraiment neurobiologiques sur lesquels elles doivent rendre des comptes. Un peu comme si on demandait à quelqu'un de s'expliquer, mais pourquoi vous saignez alors qu'elle vient de recevoir un coup de couteau? C'est du même ordre. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge chez les femmes où il y aurait plus de victimes de viol que dans d'autres tranches d'âge? Alors, d'abord, l'immensité, enfin, la majorité des victimes de viol, ce sont des mineurs. Et c'est les femmes les plus jeunes qui sont les plus touchées. Là, il y a cette réalité-là. Il y a le fait que ça touche tous les milieux, contrairement souvent à ce qu'on pense, que les agresseurs le plus souvent sont des personnes connues, plus de 90% des violeurs. Connues, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que connu de la victime. Connu de la victime, oui, qu'elle a rencontrée, ou dans 50% des cas, même des quelqu'un de la famille ou un conjoint. Ouais. Pour les adultes. Et toute cette réalité-là n'est pas suffisamment aussi connue. Et puis les chiffres sont très importants, hein, puisque c'est 84 000 femmes qui sont violées par an, 14 000 hommes. Et si on prend en compte les mineurs, c'est 124 000 filles, 30 000 garçons. C'est un phénomène de société. Ce ne sont pas des faits divers, c'est une réalité. Et il y a cette croyance aussi que le viol, c'est la nuit, dans une ruelle sombre, ou dans un parking, par des personnes qui sont en fait des prédateurs qui sautent sur les victimes. C'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quel est le regard, est-ce que le regard de la police, de la justice a changé, peut-être avec aussi la féminisation de la justice dans... Il y a 50 ans, probablement, il y avait moins de femmes à des postes de responsabilité importants dans la justice. Ça a évolué, le regard a évolué. Alors, au-delà des faits. Oui. Alors, je dirais bien entendu que le regard a changé, mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir. Le regard a changé, mais ces réflexes-là de culture du viol, de stéréotypes, sont toujours hyper présents. Et donc, il faut vraiment qu'on démonte cette colonisation que toutes les personnes ont et tous les professionnels ont, a priori, dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment une vision sexiste totale. C'est un peu comme si le discours des agresseurs avait colonisé tous les esprits. Presque. Et donc, il faut démonter ça, déconstruire ça. Alors, on fait des formations. Moi, je travaille avec la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences. On essaye de former un maximum de professionnels. C'est de plus en plus vrai. Mais il y a encore beaucoup de gens à former. Et il y a aussi toute la population générale aussi qui est à informer. Et puis, les médecins qui ont beaucoup de mal aussi à prendre en compte la gravité de ces conséquences. C'est des conséquences du viol. C'est 94% des victimes ont un impact important, voire très important, sur leur santé mentale, 40 à 50% sur leur santé physique. Le viol, c'est un choc traumatique gravissime. Et les médecins ont vraiment pas formés pour prendre en charge ces victimes-là et justement les aider à sortir du trauma pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir en fait être protégés. Déjà, se reconstruire, c'est déjà avoir reçu justice. Ça commence par là, quand même. La reconstruction, elle commence par là. Dès lors qu'il y a un viol et qu'il y a une condamnation, j'imagine, je ne sais pas, mais que c'est un élément important pour la reconstruction. C'est un élément, la notion de justice, remettre le monde à l'endroit, c'est un élément très important. Par ailleurs, la justice peine à aider les victimes à se reconstruire. On sait que dans notre étude, 80% des victimes qui ont eu une procédure judiciaire, en fait, ont été encore plus impactées au niveau traumatique. Et ça augmente le risque suicidaire parce que la justice n'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'elle devrait être. Et heureusement qu'il y a d'autres possibilités de se reconstruire, puisque plus qu'il y a 90% des victimes qui n'auront jamais recours à la justice, parce qu'elles peuvent pas arriver à porter plainte, ou parce qu'elles portent plainte alors qu'il est trop tard du fait de la prescription. Donc il y a moyen, on peut traiter les troubles psychotraumatiques, mais c'est vrai que cette notion de justice, et puis de qu'il n'y ait pas d'autres victimes aussi, hein, les personnes elles portent plainte aussi pour pas qu'il y ait d'autres victimes. Oui, bien sûr. Et je ne vais pas tout mélanger, mais il y a aussi les violences, notamment les violences conjugales. Alors, parfois, elles sont conjuguées, si j'ose dire, à des viols. Hein. Mais il y a aussi des viols de la personnalité quand une femme est battue. Mmh. Et pas forcément violée sexuellement, mais qu'elle est battue. C'est une forme de viol aussi. Alors, mais je veux pas tout mélanger non oui, plus. Oui, mais... oui, le viol, ça a une définition très précise. Bien sûr. Après, la notion de violence et de violence dans le cadre de la famille et dans le cadre conjugal, effectivement, ce sont des violences qui ont un impact psychotraumatique beaucoup plus lourd parce que ça engage l'intimité, ça engage la notion de confiance. C'est aussi des situations où les personnes sont piégées, sont vraiment dans une situation où elles sont dans l'impossibilité, dans l'impuissance le plus souvent de se défendre. Parce que ça peut mener au viol, c'est pour ça que je vous pose la question. La violence conjugale peut aussi, et quelquefois c'est lié. Ben, oui, bien entendu. Et puis, les violences sexuelles et les viols dans le cadre de la violence conjugale sont fréquents. Mais là, il y a encore moins de dépôts de plainte. Hein. C'est 2%. Parce que là, il y a aussi, on l'a encore entendu il n'y a pas longtemps avec un juge qui a parlé de devoir conjugal, alors qu'on pensait en être loin quand même maintenant de cette réalité-là. Voilà. Mais c'est vrai que le viol conjugal, par exemple, il a fallu attendre longtemps avant qu'il soit défini réellement dans le code pénal. Il a fallu attendre 2010 pour que ce soit vraiment hyper clair. Donc, il y a un long trajet à faire aussi de ce côté-là. Toute dernière chose, Muriel Salmona, j'ai l'impression à vous entendre quand même qu'il y a quelque chose d'inquiétant, qu'il y a eu des progrès, mais qu'il n'y a pas assez de progrès. Non, il n'y a pas assez de progrès. Nous, on demande vraiment encore beaucoup de réformes au niveau des lois. On demande la formation de tous les professionnels. On demande la prise en compte des psychotraumas. 83% des victimes de violences sexuelles disent qu'elles n'ont jamais été ni reconnues, ni protégées. On demande à ce qu'elles aient accès à des soins, qu'on reconnaisse qu'avoir subi un viol, c'est un énorme trauma. C'est au même titre que la torture. C'est les mêmes conséquences psychotraumatiques. Et il faut que les médecins soient formés. Il faut qu'il y ait des centres de soins. Et on est en train de travailler à ça. Enfin, je veux dire, les choses avancent quand même. Très bien. Merci infiniment, docteur Muriel Salmona. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le procès du viol. Une fiction écrite par Leslie Menahem, réalisée par Sophie Haute-Picon et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Basile Bocquer.